des activités, vertige dans les bois et à cheval, on aime bien ça. Fatigué, essoufflé, on ne peut plus s'arrêter. Quand il arrive, il fait trop chaud, on avait hâte d'aller dans l'eau. Chante encore comme n'a jamais chanté. Le soleil brille pendant l'été. Les bébés, on les endure quand ça pique. C'est le seul inconvénient, mais faut pas y penser tout le temps. Visez juste, tirez juste. On n'est pas Robin des Bois, mais à part ça, on s'en vient bon. Avec la voix, on tourne en rond. Chante encore comme n'a jamais chanté. Le soleil brillera pendant l'été. Viens faire un tour au lac Morgan. Je dis que c'est beau, je dis que ça swing. Je te dis que c'est bon, je te dis que ça swing.